Je cherche les images roses. Suppose que je me sois trompée. Je trouve un polar gay. Toi en Panama, la paix, la longue. Et moi, me rebonsoir la troll avec ses larges oreilles. Gentil comme ça me plaît. Et parce que je partais la nuit comme allumeuse de jonque, tu m'as prise sur la banquette, pleurant, sec et sanglant. C'est toujours ainsi que la rose éternue, mon souvenir. Dispose de belles images de nous en Bretagne qui pose. Et je creuse sur la plage, je trouve partout ton image. J'entends comme une cornemuse, tu n'es pas là, et les feuilles s'amusent dans le vent, embarquant les papiers blancs. C'est toujours que la rose éternue, mon souvenir, soit le tri, mettant autant de bleu que de gris. Revenons au carnet rose, tu as sauvé mon toutou, parce qu'il était à moi, je suppose, car mon Dieu t'aime pas les chiens, mais t'étais très chic. Avec le mien, je trie comme quelqu'un qui perd les pages. Il y a du vent sur la plage. Et c'est vrai, l'autre soir, j'ai failli te ranger dans un bouquin noir. C'est toujours ainsi que les roses éternuent. Suis le tri, mettant autant de bleu que de gris. Aujourd'hui, parce qu'il fait beau, je pense à toi et ton bâton. Aujourd'hui, parce qu'il pleut plus, je regrette ton absence dépourvue.